Et il est le même, il peut tourner le même temps. Crois Dieu. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Tu ne vois pas qu'il a été déjà donné. Sauf qui on ne peut pas recevoir. On ne voit pas ce témoignage. On est en live. La commande à la boue de tes propres yeux. Que le Saint-Esprit a déjà été donné. Et c'est nous sommes en train de prêcher maintenant. On dit que l'un de ceux qui l'ont reçu. Avec une bonne le paille, il a été reçu. Mais je sais un mur et aussi reçu. Moi je l'ai reçu au tabernacle de Matadi. Il veut seulement te faire voir que l'Yende est venu le faire vivre. Il est caca. Hé, crédule! Mon ami, quand il m'a dit, il est de là. Il est de Dieu. Dieu t'aime, Kaïsan. Il est de la Saint-Esprit pour toi. Avant de venir, je te prends de l'eau. La Bréna m'a dit, pourquoi prendre le récit si tu... Quand il me dit que tu es pourquoi tu comptes en récit? Quand il me dit que tu es prendre le récit, le ciel de Dieu. Donc, je vais nous faire la vie des choses pour t'en dire. Il y a mon des Pentecôtes et bien de là, qui était là. Et si on l'a dit comme on a, qui était là, Pentecôte en Lingala, qui était là, qui était là. Mon limo y a jamais et qui était libat. Et vous qui les colons, et qui étaient les bateaux, amen. Et quoi, c'est qu'il y a la bande. Amen. Et Dieu fait la même chose maintenant. Attends, dans la maison des colonels. Mais quand même, les colonels. Ah, ma vie, j'ai écouté la prédication de la colonel. Le Saint-Esprit, j'ai salué. Vous ne me savez pas. Vous avez dit écouter la parole. La prédication de l'évangile. Vous êtes à Saint-Esprit. Amène le Saint-Esprit sur l'église. Dans un monde, il est de la guérison en permanence. Je veux que les bateaux puissent se suivre dans tout mon rejoint. Je veux que les bateaux puissent la détresse est énorme. Attends, tu as besoin de mon rejoint. Et Dieu reste la mer. Je veux que les bateaux puissent se suivre dans tout mon rejoint. Je veux que les bateaux puissent se suivre dans tout mon rejoint. Je veux que les bateaux puissent se suivre dans tout mon rejoint. Son esprit ne trouve pas. Il ne reste pas à il est chargé de sanctifier. Ah, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous amène dans sa présence. Je le fais. Il me fait au règne de l'iniquité. Il me fait au règne du péché. Il me fait au règne des ténèbres. Il me fait au règne des ténèbres. Nous voulons la foi à l'ancienne mode. L'expérience ici n'est pas une théorie. Les hommes ne vont pas passer. Dieu la donne aux gens. Soyez prêts, ouvrez votre cœur. En de votre incrédulité, faisant la condamnation de l'ennemi. Si ça va réveiller, alléluia. Dieu fait nous vivre ici. Et il est venu. C'est ailleurs vous. C'est pour toi qu'il est venu. Et je n'ai pas de l'eau. C'est pour ton âme qu'il est venu. Ailleurs pas de l'eau. Il est le sauveur de ton âme. Avez-vous ici? D'abord, il est là. Comme dit la vieille mélodie. C'est le sauveur de mon âme. Mon Jésus. Lui, c'est le sauveur de mon âme. Oui, je veux toujours l'aimer. Oh, Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Et tu l'as fait sauver de ton âme? My God bless you so richly. Lorsque Dieu te bénisse richement, visite soit de ton âme. Oh, gloire à Dieu. J'aime sa parole. Ici, c'est là. La Pentecôte. Quittez la maison. L'expérience de la chambre haute. Mais dis qui est d'accord, Nicolas. Qu'on en est colo à ton moli à mon aïe. Amen. A d'initié à mon moli mon aïe. Alléluia. Amen. Ici, on va y avoir mon aïe. Amen. Ni kumbanyo se kwe. Amen. Ni tungisi esili. Amen. Komi tula tuna esili. Amen. Ima ya bon sambe e kote. Alléluia. Samba sali. Amen. Commençons par là. Comment venez-vous là? Oh, ministère, ministère. Mais attends, mais avec toi, d'abord. Je vais te retrouver. Je vais te bien. Nous, on veut ministère. Eh, ministère. Frater, commandant. Dans l'indissana, dans les micro Saint-Esprit, en gros, Ezalaka, toi, Ezalaka, toi. Je vous dis que Ezali. Amen. C'est de Ezali. Vous avez entendu? Mais comment on a dit? C'est un prédicateur. Ça peut être une mort. N'a pas assez de grâce. Ah, c'est un goût. Pour Poussez des cris. Et marchez-les sur le bâton du Saint-Esprit. Dans le temps où nous vivons ici. Plus de la chair. Il n'a pas assez de grâce. Persistez sur le bâton du Saint-Esprit. C'est tout ce pour gilet ici. Là, n'a tout dit que mettre à l'air à l'air. Il est prédicateur, oui. Allez, votre. Mais il n'a pas reçu. Il n'a rien dit. Il n'y a pas de ministère. Attends, le temps voté. Bina Funa. Occupez le moté, oui. Bina Funa. Bina Funa. Dis les athées. Amen. Sécurité éternelle, les athées. Il m'a dit que ça a amené. Amen. Je te dis l'amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Elles font le baptême du Saint-Esprit. C'est lui qui donne la capacité. Je n'ai pas fait ça car. Nous l'avons dit ici dans le Corinthiens chapitre 3. Je ne sais pas comment nous allons nous parler. Mais nous l'avons dit ici. Et vous allez voir. Et comment nous allons voir. Nous, ce n'est pas que nous avons, nous pouvons par nous-mêmes concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. 2 Corinthiens 3. Ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité au concret vient de Dieu. Disons présent de bonité. Colombaïté et loco et combinata la biso casi. Combinata la biso et outil nandambé. Et il nous a aussi rendu capables d'être ministre d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit dignifie. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui vérifie. C'est lui seul qui vérifie. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Il doit habiter en vous. Il doit demeurer en vous. C'est le cinquième testère ici. Et c'est pour ça que Jésus a parlé. Vous venez revenir à Jean 15, verset 16. Il ne nous envoie pas pour venir donner le fruit éphémère. Amener le croyant en ayant. Donc il faut se manifester. Après, il y a plus. Rétrograde, foi. Bon, ça ce n'est pas la mission évangélique. Jean 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez des fruits et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Baptisé du Saint-Esprit. Et ça la bandit va la ministère. Baptisé du Saint-Esprit. Et ça connaît le bon sénat dans la commandaï. Et ça la beauté il y a saint. Et ça le mon niveau pour le monde santo. Et qu'on paix ça met la Bible. Amen. Alors quand il reçoit le Saint-Esprit, ça va venir vous santo. Ce n'est pas toujours le pasteur qui doit demander pour toi. Et j'ai dit que le moment de la conseil dans la suite. Mais toi aussi, tu vas demander. Il agit encore. C'est comme si c'était Jésus qui priait. Mais mon soignant sera yabi pour le mota. Amen. Ma bonde il a yé. Tawa wali mo slambe la. Zambe la lola. Ayo kaka maloba na yé. Comme si Jésus Christ mwana na zambe. Amen. Est-ce que Jésus avait dit dans la Bible? J'espère que tu m'exhaustes toujours. Mais bien sûr, on y a nous la canne à quatre. Toi aussi tu dois témoigner. J'espère que mon Dieu m'exhauste toujours. Et ça la pasteur n'a rien à dire. Mais confiance. Puis je y a ma casse. Bon assurance. C'est le plan du pays qu'il m'a donné. Nous sommes dans la festina. C'est là que même dans la pastel d'Afrique. Et dans la gagne dans le vacuum. Garantie dans la parole. Et il y a moi ça. Amen. C'est un fruit qui demeure. Et dans le il faut que la matière soit bien dans l'assemblée. Alléluia. Pas les témoignages des escroqueries. Et vous avez une tête de escroquerie. On a un peu de transport, on a côté de la taxi, on a un peu de mis sur le receveur, et puis on a quitté. Vous avez longue tête. Vous y nous voulons les vraies réponses conformes à la parole. Vous y le printemps et coquin de qu'on voit que le fruit est conforme à la semence. Ça vous êtes un bouma et coquin de mon bâton. Si tu prends un grain de maïs, ce qu'on suit, mon bâton, mon bâton, je suis le chien. Il est un seul. Et il m'a mais s'il germe, il produira beaucoup de grains. Mais quand il examine chacun des grains, il est dans les fruits. Il est semblable et original. Ça doit être la reproduction de la parole. Et c'est lui qui a donné des témoignages de paroles. Il n'y a pas. Tu dis amen. Amen. Tu dis vraiment amen. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul avait aussi l'assurance. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, mon notre Seigneur? N'êtes-vous pas notre œuvre, mon œuvre dans le Seigneur? Je suis déjà dans le corps, membre du corps. Je par Jésus-Christ lui-même. Saint-Esprit. Là, dans la maison d'Ananias. Le lieu et le temps est connu. Et si c'est une histoire non localisable. Le Saint-Esprit, quand on le reçoit, le même dit que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sans le savoir. Tu parles de quoi? On doit savoir ça il est où. Et les effets que cela a produit. Le Brenham dit que chacun de ceux qui l'ont reçu connaissent ça. Parce que le baptême du Saint-Esprit est une expérience inoubliable. Moi je veux le véritable. Celui que Pierre, Étienne et les autres avaient reçu. C'est exactement le même. Écoutez, si pour d'autres verset 2, ce n'est pas la moitié du je ne suis pas apôtre, je l'ai su au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat. Dans le Seigneur, c'est là ma défense. Ceux qui m'acquittent. Êtes-vous là? Dans le royaume de Dieu, quand Dieu nous envoie dans ces mots, il n'a jamais que nous aurons l'unanimité. Que tout le monde doit nous reconnaître. Tout le monde doit nous recevoir. Moi, il est là. Jésus lui-même n'a été ainsi que par une minorité. Les envoyés aussi, c'est pareil. Mais vous attendez jamais à la popularité. Mais attendez-vous au plan de Dieu. Je la à la parole de Dieu qui demeure éternellement. Adressez-moi ça. Amen. Amen. Amen. Le sceau était là. Paul était sûr de ce point. Des croyants capables d'invoquer Dieu et d'avoir des réponses. Véritablement baptisé du Saint-Esprit comme ceux de fait. Et même si Paul et leur pasteur étaient absents, eux ont affronté ceux qui se disaient apôtres et ils les ont démasqués. Vous croyez de la parole seule. Vous devez faire demain. Essayez de faire demain. Nous sommes l'église restaurée. C'est la cour de restauration. L'église qui fait de la fête. Et quel est le fait? C'est qu'il y a un gros temps de prendre des pauvres choses. Mais c'est qui pour les gens. La parole comme on a fait. Mais quand les gens ont dit des choses, on leur a donné la chair. Et ils les ont récupérés. Mais, à partir de la parole, comment ils ont dit que vous êtes des faux. Comment ils ont dit non, vous n'avez pas. Allez, qui fait la chair? Bon, on était là. Laissez-nous tranquille. Vous êtes ce qui vient. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Voyez-vous ce que vous êtes capable de faire? Vous menez vous dans ma caisse comme ça là, non? En tant que des chrétiens dans votre temps. Le col Christ la salle. Comme les Éphésiens. Tout ça, le col, bien sûr. Soyez capable d'affronter n'importe quel président. Dans ma caisse, il y a comme ça. Pour établir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Le premier moyen utilisé, c'est l'expérience surnaturelle du baptême du Saint-Esprit. Le deuxième moyen, c'est l'expérience surnaturelle de l'appel au ministère. Vous savez que dans 10, verset 15, on l'a lu il n'y a pas longtemps. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il faut l'envoi. C'est une autre expérience. Différence de la première. Et que Seigneur est pour ça. Là où Dieu vous envoie. Mais c'est quand ça vous donne l'ordre de mission. Appelez-le, Tinda ne doit pas être n'importe quoi. Et vous allez vous soutenir. Comme un serviteur, prophète Philippe IV. Le col, excusez-moi de citer. Vous savez, ce que vous avez dit. Vous avez dit que démasqué. Et Seigneur, nous coutons là. Il venait là-bas. Non? Qu'est-ce qu'il donne comme appel? Il y a un peu de temps, mais là. Oh non, il avait dit. Une grande cavalerie militaire qui véhicule en charge qui était comme un cortège. Le corps de rempli de militaires. Et puis un ange qui est descendu du ciel avec Abraham. Et puis il lui a dit, tout ce que j'ai ravi à Abraham, je te l'ai donné à toi. Et maintenant lui, il est prophète à la place d'Abraham. Il serait le fils de Matthieu 25, verset 6. C'est lui l'accomplissement de la manifeste, le cri de minuit. Vous voyez la sorcellerie après le soleil. Même s'il vous parle, il dit une voix, d'une vision qu'il a vue. Mais ce soir, pareil. Vous allez en que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Restez dans la parole. Regardez l'arrogance de ces fanatiques. Les fanatiques de ces hommes-là, combien ils sont arrogants. Vous n'aurez mis son effigie à Kisangani quelque part là-bas. Dernièrement, ici au Congo. Le Congo. Les prophètes de l'air, ils ne font pas quelque chose comme ça. Les gens ont voulu venir incendier ça. Confusion totale, on s'est demandé que finalement, on va tomber la main de la frère, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et le fruit, c'est la sémence. Quelle est la parole qui les enseigne? C'est le message fidèlement. Dans les scènes de Dieu. Ou bien autre chose. Voyez frère, le prédicateur doit être appelé. Comme ce fut le cas dans l'Ancien Testament. Pour les sacerdotes divins. Hébreux 5, verset 4. Nul ne se donne cette dignité de sacrificateur. Il ne peut pas se donner cette dignité. Il n'a pas été appelé comme un rôle. On ne s'improvise pas prédicateur. Serviteur de Dieu. Mais on est appelé à ça. C'est Dieu seul qui appelle. Est-ce que vous là? C'est le deuxième moyen. Mais l'appel doit être conforme à la parole. Comme je vous l'ai dit dernièrement ici, c'était vendredi, je fais référence à une déclaration de frère Branham Dans la prédication question-réponse du 12 janvier, nous pouvons encore lire un peu ici. Là, je dois encore, j'avais dit que c'est numéro 8, ça c'était une numération vieille. La brochure actuelle, c'est la question 109. Il a dit numéro 3, mais c'est question 109. Comment fait-on reconnaître sa véritable position dans les cordes? Je prends globalement du paragraphe 48. Il y a un peu d'autres pour gérer les temps. Jusqu'au finir au paragraphe 59. Et voilà une bonne, très bonne question. Comment fait-on? C'est le genre de questions que beaucoup d'entre nous ici ce soir se posent. Comment reconnaître réellement cela? Maintenant, je présume que la question que son frère pose est quelle est ma position? Ma position en Christ. Quel rôle je joue en Christ? Maintenant, par exemple, j'aimerais dire ceci, frère, pour vous répondre au mieux de ma connaissance. Votre position en Christ est révélée par le Saint-Esprit. C'est lui qui vous révèle ça. Et si donc vous voulez savoir si c'est le Saint-Esprit ou non, voyez si oui ou non il bénit ce que vous faites. Et s'il bénit cela, alors c'est lui. C'est comme, mais il a dit quelqu'un, il n'y a pas longtemps, il a dit, le Seigneur m'a appelé à prêcher. Oh, les cinq ministres d'Ephésiens 4:11 sont tous des prédicateurs. N'est-ce pas vrai? Bon, quelqu'un dit maintenant, le Seigneur m'a appelé à prêcher. Prêcher. Comme si l'ordre de mission qu'il a reçu, c'est de prêcher. Mais il doit nous dire, en quelle phrase le Seigneur a-t-il prononcé ça? Ok, c'est lui Dieu qui est établi des prédicateurs. Mais non, et le frère Brandi, et je lui ai dit, bon, prêcher alors? Êtes-vous là? Non, Dieu m'a appelé à prêcher! Dieu m'a appelé à prêcher! Branham lui dit, tout brille. Il vous a appelé à prêcher. Alors, prêcher, alors? Êtes-vous là? Vous avez un... Mais vous n'allez pas commencer à vous apprendre aux gens. Où est votre problème avec les gens? Si c'est Dieu qui vous a appelé à prêcher. Mais, prêcher, alors? Hein? Amen? Mais vous n'allez pas vous lever comme ça dit. Non, Dieu m'a appelé à prêcher. Mais les gens me combattent. Ils me mettent légal. Si Dieu vous a appelé à prêcher. Prêchez alors. Ne commencez pas des polémiques. Dieu ne vous a pas appelé à faire des polémiques. Dieu ne vous a appelé à prêcher. Mais alors, prêchez alors. Est-ce que c'est clair? C'est clair. C'est clair. Dieu m'a appelé à prêcher. Dans le congrès, tu commences à te jamais avec les gens. Non, non, non. C'est comme si Dieu t'appelle à prêcher. Ok, le Kuna, la quatrième, quatre vérités. Ok, est-ce que c'est ça prêcher? Il y a un autre côté. Donc, Bémarina et Mabé, Kinga du Kuna, Yekuna et tout ça. Il y a un appel aussi. Vous dites que Dieu vous appelle à prêcher. Mais au lieu de prêcher, non, est-ce que t'as fait? Ce sont les chamailleries à gauche, à droite là-bas, le conflit ici. Ça n'a pas de sens. On est dans le Dieu vous a fait la prêche. Prêchez alors. Qui peut bloquer Dieu? Il n'y a personne qui peut bloquer. Qui peut combattre Dieu? Il n'y a personne qui peut combattre. Son frère est venu. Dieu m'a appelé à prêcher. Bon, alors je lui dis. Mais prêchez alors. Quel est votre problème? Il vous appelle, vous me prêchez. C'est amen. Amen. C'est aussi des fois simple d'aider les gens à prendre conscience. Et là, les événements, je suis comme un peu, c'est pas comme un cousin, on a qu'à la banque. au lieu de commencer à poser la question, est-ce que vous pensez que moi je peux prêcher? Dieu vous a appelé à prêcher. Faites ce qu'il vous a dit de faire. C'est tout. C'est fini. Alors, voyez, après quoi, généralement, au paragraphe 53, ma manière à moi, c'est d'observer simplement. Le c'est ce que moi je fais. J'observe la nature de la personne. Et je vois quel type de don elle professe. Nature. Est-ce que mutu ya bongo akoko sala musala to kosala la likabo azolo belawana? Nature. Le lingue à moto. C'est ce que moi, Branham, je fais. Il y a mon nom, je vais vous faire un message. Et ça peut vous aider aussi, non? Je vais vous faire un message. Dans le message. Je vais vous faire un message. Vous voyez, Dieu œuvre avec sa créature telle qu'il l'a fait. Je vais vous faire un message et le monde est qu'il a mon aide. Et si vous voyez quelqu'un qui est très instable et irréfléchi, sauf qui, au moins, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, et qui lui dit, alors, le Seigneur m'a appelé Kolo à telle et telle chose, na lika me à être la pasteur. Et oh, donc, un pasteur ne peut pas être une personne instable. Donc, quand on a un pasteur, il faut que l'on soit un pasteur. Au bout du jugement, après, il y a un mot, il y a un peu. Ça, vous pouvez mettre la tête sur lui. Expérience, vous appelez et tout. Il commence à vous dire, je m'en vais à être un pasteur. Vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu. Il dit que Dieu l'a appelé à être un pasteur. Mais quand vous le voyez, c'est une personne très instable et qui réfléchit des fois de travers. Il réfléchit. Dieu ne peut pas appeler ce genre d'homme à la fonction de pasteur. Êtes-vous là? Vous pouvez peut-être avoir déjà examiné ici. Mais arrivé ici, il dit, mon nom est Dieu, ma paix, c'est la paix. La paix. Mais avant, c'était où et quand? Et ça, tu vois, c'est mon problème. C'est mon problème parce que Dieu ne m'a pas écouté. Des imprécations et des menaces inutiles. Voilà. Mais un pasteur ne peut pas être une personne instable. Il dit amen. Amen. Amen. Tu vois, il y a un pasteur. Au moins, il y a un pasteur. Ah, mais quand même, parce que nous sommes un pasteur. Bon, on a attendu à changer. Attendu à l'oubli, à l'oubli, à l'oubli. Est-ce que vous changez? Ah, non, moi, je ne peux pas reconnaître que vous êtes ensemble. On dit mieux qu'on sacrifie les paroles pour aller ménager les sentiments d'un individu. Tu es hypocrite. Vous allez vous appeler au Mibale. Appliquez-lui la parole. Salez-les. Un pasteur ne peut pas être une personne, hein? Pour pas traiter, vous allez vous tuer. C'est la parole qui dit ça. Il ne veut pas être testez-moi tous ces gens-là. Oh pasteur, pasteur. Ça ne peut pas être une personne frivole. Instable, léger. Tu ne sais même pas gérer les secrets. Mon nom tout va tout bas. Pasteur modèle dis-moi. Un pasteur va gérer les secrets. Il faut que Dieu lui ait donné une nature de discrétion. Le tact. Avoir du tact. Hein? La discrétion. Mais quand il n'a pas ça, ce que j'en ai voté. Loba, oh parole, le bini, Zamba, Gogo Benga Moutou, Bongo, Naki Pastorate. Atabo Monye, Azoka Nisabatuna Munda. Zamba Bengiye, Moussalawana Te. Souka na Souko Goyoka, escroqué Bongo Moudimi Moko, Babé Bali. Moudimi Mami, na tribunal. Est-ce qu'un pasteur doit être comme ça? On va dire quoi à cause de la Bongo? Mon Dieu, est-ce que vous êtes bon? azinyongo alingo putate et mon tombeau pour les zambes à bengaye le coup de est ce qu'on veut le roi zambes la bible à benga escro n'a qui pastora ça parle ça c'est un allégué n'a émoté à benga et mantel nous trois fois ça gagne la compéro le coup de temps ou le coup de mouna pasteur à modèle est ce que vous là vous allez voir Dieu utilise sa créature selon la nature qu'il lui a donnée. Zambes le costala n'a écrit à mon aïe. Quand il appelle un pasteur, il doit avoir la personnalité qui concorde avec la fonction. Quand on dit que nous avons battu, et c'est grave que nous n'avons pas la personnalité qui concorde avec la fonction. Si vous voulez, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Yaya. Non, la parole, elle est là, prenez la parole et conformez-vous. Pour juger l'expérience de la parole, on prend la nature de la personne et les dons. Pour le ministre, elle comprend. Est-ce que ça concorde? Alors, un pasteur est bien affermi. Mon pasteur est bien affermi, madame. Équilibré. Avec un pasteur, madame, oui. Vous voyez ça? C'est le genre d'homme que Dieu appelle au pastorat. Et le bien affermi, équilibré. Appelez-moi malam au pesta. Qui dit amen. Amen. Et en a été parole née et que souvent ils sont pour ça la épreuve. Que c'est ça qu'on dit. N'hésitez pas de conclure ce que la parole a dit. Comment est-ce qu'on va oublier? Vous allez vous écouter. Par la parole de Dieu. Un homme que c'est l'air. Nous sommes dans les gambas là. Dieu m'a appelé à être docteur. C'est lui qui dit, observez comment il interprète la parole. S'il l'embrouille, non pas s'il s'embrouille, mais s'il embrouille la parole, et tout, alors on peut voir ce qu'il en est. Voilà, en général, votre position se reconnaît par ceci. Et si vous êtes capable de faire le travail, oui ou non. Écoutez, par exemple, 59, voyez-vous ce que je veux dire? Vous pouvez voir par la façon dont le Seigneur vous appelle, c'est que votre position dans les camps. Il a appelé Jérémie, il lui a dit clairement, je t'ai établi prophète de nation. C'est-à-dire que dans son appel, le ministère était même déjà cité clairement. N'est-ce pas vrai? Mais quand il a appelé Amos, il n'a pas cité le nom du ministère. On l'a dit vendredi dernier. L'Éternel a dit, va. Yahweh a dit, prophétise à mon peuple d'Israël. Cette teneur-là d'aller prophétiser. C'est le ministère aussi d'un prophète. Vous voyez, on a vu Dieu dire, je mets mes paroles dans ta bouche. Est-ce que vous voulez te nom du ministère? Comment est le temps de révèle des façons de parler de Dieu. Révèle le ministère d'un prophète. Ou comme il y a un frère. Il n'était pas recherché le Saint-Esprit. Et Dieu l'a rempli. Il était allé prier en brousse. Loin de la ville. Je connais son frère là. Et vous aussi vous le connaissez. N'est-ce pas? Vous le connaissez. Vous allez le découvrir. Et quand il priait, le Saint-Esprit lui a été donné en réponse à la prière. Mais après cette expérience, le Seigneur est venu lui parler en lui disant, comme tu as reçu ce que tu cherchais, maintenant exhorte et affermis tes frères. Exhorte et affermis tes frères. Dieu a commencé par lui donner d'abord l'expérience de le désert. Et il lui a donné ensuite l'expérience de l'appel au ministère. Disant d'exhorter et d'instruire ses frères. Le genre de tâches qui est en train de faire. Non. Un prophète. 1 Corinthiens 14. Ils peuvent prophétiser successivement afin que tous soient exaltés et que tous soient instruits. Ce sont les prophètes. Connaissez-vous ton frère là? Hein? Amen. Ah, c'est mon pasteur à moi. C'est mon pasteur que vous connaissez. Mon pasteur, pasteur Gauthier, vous. Pasteur Gauthier, mon pasteur. Il n'a pas le ministère pastoral, non. Azana, le tomo. Dieu ne l'a jamais appelé comme pasteur. Ça m'a bien été comme mon pasteur. Non. C'est... Il ne l'est pas. Azana, mon côté. Mais il est censé exhorter et instruire ses frères. Kasi, Azana, le lingue pena. Et la Bible qui est les talons mesurés. Et puis avoir les lingue pena. Nous lui que cette tâche là, c'est pour ce qui est des prophètes. Il n'est pas le prophète de l'âge, mais c'est donc un prophète mille ans. Mais attention, le gouvernement m'a dit, dans les 70 semaines de Daniel, un vrai prophète ne s'éloignera jamais à aucun de ce qu'un autre vrai prophète a dit avant lui. Alors quand vous allez prendre l'appel, vous suivrez maintenant le quatrième tester, l'exercice. Voir si il se calme de ce que le messager fait. Quand il reste tout le temps dans la ligne du prophète de l'âge. Donnant la compréhension juste. Qu'est-ce que le prophète de messager a enseigné. Car un vrai prophète, il est le prédicateur de la parole prophétique par excellence. Et il en donne la répartition juste et équilibrée. C'est lui qui situe la parole prophétique au bon endroit. Les autres peuvent des fois se perdre. Dans la parole prophétique. Mais un prophète millénaire, car les esprits des prophètes, c'est la Bible sont soumis aux prophètes. Amen. Ça marche de pair comme ça. Et vous avez le temps de vous aimez la parole? Oui. Vous aimez la vérité? Oui. C'est vraiment ça. Yes, sir, si je me relis encore quelque chose ici. So, okay, vous avez le sujet d'un prophète. Non, oui, vous verrez que ça va toujours vous édifier. Beaucoup oh, comme c'est si bon. Le prince est malamou. C'est si bon à savoir. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Voulez-vous qu'on lise un peu là? Au sujet du ministère des prophètes. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le ministère. Hein. On essaye toujours de flasher des fois. Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire. Et à savoir. Dans la prédication, un paradoxe. Prêcher le 6 février 1964. Au paragraphe 125. Un prophète de Dieu. La parole vient toujours au prophète. Peu importe combien impopulaire ça peut sembler. Et il est toujours là. Et la raison pour laquelle ils savent cela, ce qui fait ça, c'est que ce que l'homme dit arrive. Et Vous dites alors, cela l'épouse. Ainsi, un prophète ne signifie pas seulement prêcher la parole. Et Zali obéga kota il fait côté obélé du devant. N'est-ce pas? Un prophète ne signifie pas seulement prêcher la parole. Mais également prédire. Et un interprète divin de la parole. De la parole divine écrite. La parole va au prophète. Et celui est la complète révélation de Jésus-Christ. Et qui est la révélation? La Bible, elle révèle Jésus-Christ. Et venez qu'on fait l'histoire. Vous n'êtes pas là? Amen. C'est clair. C'est venu pour l'aîné. Mais dans les sermons, le baptême d'eau. Kasi ete mosakoli ni basi sama chez le 19 janvier 1960. J'espère que vous avez compris. Na kanisa te boso soli. Ah, le paragraphe 73 de Moloko etukusambo na misato. La parole de Dieu va au prophète. Dans les anciens jours, la raison pour laquelle ils les appelaient prophètes fut parce qu'ils avaient l'interprétation de la parole divine. Parce qu'ils étaient divinement envoyés. N'est-ce pas qu'ils étaient envoyés? N'avons-nous pas lu le vendredi? Jérémie n'était-il pas envoyé? Ézéchiel n'était-il pas envoyé? Ézéchiel n'était-il pas envoyé? Amos n'était-il pas envoyé? Amos n'était-il pas envoyé? C'était envoyé. J'étais divinement envoyé. Donc tout envoyé n'est pas forcément une apôtre. Les prophètes aussi sont envoyés. Les pasteurs aussi sont envoyés. Baba était bâti dans ma carte. Mais l'apôtre, lui, ce qui fait de lui, l'envoyé par excellence, ce sont les missions. Il voyage à travers les mers de l'Amérique. Il va ici, il va là. Il est un envoyé, il est toujours planifié. Voilà, c'est ça. Mais, alors, il s'était divinement envoyé. Et les signes et prodiges qui les accompagnaient prouvèrent ce qu'ils étaient. Ils prouvèrent qu'ils étaient des prophètes. Un prophète est accompagné aussi par des signes et des prodiges. Oui. N'est-ce pas? Donc les signes et les prodiges, ce n'est pas seulement pour les évangélistes et les apôtres. Même un prophète. Ça y est là. Dans la parole. Alléluia. Dieu a dit dans son écriture qu'il y a un prophète parmi nous et il lui dit des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas correctes. Alors ne le prenez pas. Mais si cela arrive, alors écoutez-les, car je suis avec vous. Le véritable mot prophète signifie un interprète divin de la parole divine. Et les prodiges qui rendent manifeste la parole sont un signe qu'elle est venue. Amen. Amen. Vous voyez tout ça, dans le ministère, il y a une grande diversité, mais chaque ministère doit être identifié à partir de la façon dont Dieu l'a appelé, à partir de la nature qui est là, et vous comparez avec les attributions ou les job descriptions que la parole donne à chaque ministère. Que la Bible a tout différencié. Le ministère ne se comprend pas. Alors vous prenez les éléments de l'appel et vous prenez ce que dit la parole au sujet de chaque ministère point par point aussi précisément que possible. Êtes-vous là? Amen. Gloire à Dieu. Et alors quelqu'un peut dire qu'il est un apôtre. Mais vous prenez la parole pour tester aussi ça. Prenez Corinthiens ici. La parole nous donne l'épreuve de l'apostolat. À part les fruits que tout ministère doit porter. Mais nous trouvons aussi dans la parole les autres preuves qui peuvent être là. que le Seigneur Dieu peut donner pour nous aider à savoir de quel ministère il s'agit. Corinthiens chapitre 12. Vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Azali Elema. Nde bino bepesakingai simbisi. Et kokinangai ete nakumisama nabino. Atan Azali et l'okote. Nazalissima nabantoma yango na kitokote. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Bilembo na preuve de l'apostolat. Bilembo na toma. Na solo isili kokomona na kati na bino na etingia nyoso bilembo mpe na bikamu seli. Les apôtres sont les hommes les plus éprouvés. Parce que Paul dit que Dieu a fait de nous les apôtres les plus faibles des hommes. C'est des gens auxquels Dieu soumet à de grandes humiliations. Et pourtant, l'apostolat sur le ministère l'appelle le plus élevé. L'appel le plus élevé. Mais la manière de le faire, c'est les pour qu'il soit toujours petit. Il est allé jusqu'à laisser même un ange de Satan dans la chair de Saul de Tarse. Pour empêcher de s'enorgueillir. Il a prié pour que Alors, l'apôtre, dans l'épreuve de l'apostolat, il y a la patience à toutes épreuves. Et là, vous avez l'appel élevé, avec trop de précision, mais il y a également la patience à toute épreuve. Il y a les signes, les prodiges et les miracles. Dans son exercice. Un apôtre, c'est cela. L'apôtre est appelé à prêcher. Mais il est également appelé à enseigner. Vous entendez? Mais l'évangéliste, si Dieu appelle l'évangéliste, il ne confie pas l'enseignement. C'est généralement la prédication ou l'évangélisation. Mais quand Dieu appelle un prophète, il met quelque chose en lui pour avoir des visions. Il l'équipe complètement. Il lui donne les tâches précises auxquelles il doit s'attendre. Mais il le fera aussi accompagner des signes et des prodiges. Il lui donnera une compréhension juste de la parole. Surtout la parole prophétique. Êtes-vous là? Vous allez voir. C'est la différence. C'est la différence. Okay. Donc, l'évangéliste est un prédicateur. On parle de ça. Allez, Motei. Tout court. Motei. Mais le prophète est un prédicateur. Kasi Mostakolade Motei. Mais aussi un voyant. Nous sommes. Vous suivez? Il voit aussi des choses. Et les prodiges l'accompagnent. C'est ainsi qu'entre deux personnes, il y aura le mandat de prêcher. Donc si c'est prêcher tout court, nous risquons d'avoir des difficultés pour savoir de quel ministère il s'agit. Les directives, les instructions supplémentaires, alors vous cadrez et vous trouvez le contexte de la fonction de l'homme. Parce que le prédicateur est appelé à prêcher. Le pasteur va prêcher. Les docteurs. Donc le docteur n'a pas la prédication. Mon père, il a l'instruction. Mon père, il a l'instruction. Parce qu'il est l'enseignant par excellence. Particulièrement de la doctrine. C'est lui qui fixe l'église dans la doctrine. La doctrine fait la foi. La foi aussi le fait. Mais le niveau du docteur est au-dessus. Parce que le docteur met en relation le passage de la parole. D'une manière telle que ni l'apôtre, ni le prophète, ne peuvent lui être comparés. Il est un enseignant détaillant. Êtes-vous là? Amen. Ah. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Mais le temps ne permet plus ceci. Le temps, vous allez couper ça. Je la paix, tout ça. Donc, tout le monde n'est pas terminé. Donc, aussi, il s'appelle. Mais je suis obligé de dire que Dieu bénisse cette portion de la parole. Et les trois critères ici. Trois, quatre et cinq. Sont présentés comme étant les qualités que chaque ministère doit avoir. Et il faut dans l'exposé de cet âge de l'église, une des versions sur la page 72 et 73. Et la version électronique de la voix de Dieu sur la page 74. Les critères, là, les trois, là, à commencer par la fidélité absolue à la parole de Dieu. Trouvé dans l'exposé des sept âges de l'Église. En 74, électronique. En 72 et 73, que Dieu vous bénisse. Amen. Et bonne application de la parole. Pour nous, c'est une révision de matière, non? Que ce soit sur le Saint-Esprit. Ou sur les critères d'identification des ministères. C'est une révision de matière. Que Dieu vous bénisse. Tenons nos débuts pour la prière. Ma foi regarde à toi, toi. L'agneau, croix seulement numéro 23. Sans verdict, ô écoute-moi quand je prie. Enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié, aie pitié de moi. Jésus, pitié Dieu. Enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi. Jésus, pitié Dieu. Enlève de mon cœur. Thank you. Béni de la gloire. La visitation du Père. La visitation de la chambre haute. Il était là. Il était là. C'est encore une réalité. Il était là. La Pentecôte est une expérience. Ce n'est pas une organisation. Ce n'est pas une détermination. Ce n'est pas un autre porte. C'est une expérience qui a fait. Qui était là. Dieu possède encore une qui était là. Pour ton âme. Le Saint-Esprit est plein de choses authentiques. Dieu en possède encore. Le Saint-Esprit de Dieu en possède encore. Ne prenez pas de faux semblants. Des visions et des idées. Ma balle sur ma carte. L'expérience. Dieu en donne encore. Pour devenir chrétien. Dieu Tout-Puissant, nous t'adorons. Et te remercions pour cette matinée. Les religieux et les dénominations profitent aujourd'hui pour célébrer la fête des Pâques. Selon les programmes dictés par l'empereur Constantin, un catholique. Mais Seigneur, Nous avons entendu ton message. Et pour nous, ça nous suffit. Ta parole nous fait du bien. Nous t'en disons merci. Telle que tu as conduit. Et telle que tu conduiras. Il est vrai que par Pâques, le secret de la vie après la mort a été dévoilé. La plus grande victoire de l'histoire a été remportée par notre Messie. Gloire à toi pour toujours. Les effets de cela, nous voici à l'église. Tu cherches à être des chrétiens. Convaincu que tu nous changeras. Et tu nous ajouteras tout ce qui nous marche. Pour les devenir véritablement. Exauce nos prières. Fortifie notre foi. Amène-nous plus près de Dieu. Ôte la vantardise. Ôte l'arrogance. Ôte la témérité. Brise le pouvoir des iniquités. L'oreille des ténèbres. L'oreille des maladies dans la maison. Brise le trône des maladies. La guérison divine. À tous les fidèles de la maison de Dieu. Nous puissions te célébrer et t'adorer. Oh mon Dieu, tu es le même encore. Produis parmi nous tes signes. Produis tes signes. Confirme ta parole. Fortifie les membres du corps. Délivre tous les faibles parmi nous. Ensuite, la foi biblique. La foi authentique. Qui produira ce résultat. Qui produira ces œuvres. Et que nous soyons de vraies lumières du monde. Et le sel de la terre. Équipe ton église. Et réserve nous aux épreuves des esprits. À l'épreuve de la parole. Pour que nous soyons aptes. Et que personne ne fasse ce qu'il veut. Et que chacun nous fasse ce que la parole veut. A toi l'honneur et la majesté, la gloire éternellement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Pour la gloire de Dieu, que tout se fait. Vous sentez bien? Moi je me sens bien. À cause de l'amour de Dieu. Et de l'évangile de Dieu. C'est comme vivre dans des mondes. Hein? Maintenant nous sommes sortis de là. Et nous pouvons essayer de nous rappeler que notre frère Gabriel